Dans un questionnaire devenu célèbre, à la question de savoir quelle était sa vertu préférée, Marcel Proust répond « le besoin d'être aimé ». Et pour préciser, le besoin d'être caressé et gâté bien plus que le besoin d'être admiré. Je ne sais pas sous quel angle le besoin d'être aimé peut être considéré comme une vertu, mais cette réponse renseigne sur le type de morale que suivait l'auteur. L'amour et le besoin d'amour avant toute chose, avant le bien et le mal, avant la connaissance. L'amour, c'est aussi celui dont parle l'écrivaine Colette au sujet de Marcel Proust. Dès que j'ai connu l'œuvre de Marcel Proust, je crois que un engouement, une admiration assez passionnée de ma part a remplacé tous les autres sentiments que Marcel Proust aurait pu m'inspirer. Il est de la dimension de ceux de qui je dis et je pense qu'il fasse ce qu'il veut. Il est libre. J'aime mieux dire, comme si j'étais une jeune fille et que je fusse éprise de lui, j'aime mieux ne pas le juger et dire simplement « je l'aime ». Marcel n'est pas ce qu'on appelle un intellectuel. Marcel, quand je l'appelle, moi je l'appelle Marcel. Il ne répond pas, mais il approche de sa démarche gauche. Et l'on peut voir dans son regard comme une lueur d'intelligence. Il sait de quoi j'ai envie. Il n'est pas si bête, il sait que c'est de son vie. Goût record d'athlète, je pose ma main sur son gros bras que marre. Rive-t-il, ça fait-il, il me susurre le curieux refrain. Tiens, voilà du boudin. Et puis en roulant les airs, oh le grand migot, il me dit je vais te faire ce fameux coup du légionnaire et du sable chaud. Dans la légion étrangère, j'aime son heureux caractère, toutes ses affaires, c'est pour ça que je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour qu'on prend qui peut ou qu'on prend qui veut. Bonjour Antoine Compagnon. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur émérite de littérature française au Collège de France, élu à l'Académie française le 17 février 2022. Vous avez, on vous doit la publication des essais de Proust en Pléiade, dont on a déjà un peu parlé hier avec Mathieu Vernet. Ce matin, on commence avec la voix de Colette et celle de Bobby Lapointe. Colette, vous connaissiez-vous cette archive de Colette ? Je la connaissais et je suis très sensible au choix que vous avez fait. Bon, Colette et Proust, bon, d'abord ils se sont connus lorsqu'ils avaient 20 ans, tous les deux, chez Madeleine Lemaire, quand Colette a épousé Willy, qu'elle a débarqué à Paris, et elle a trouvé Proust imbuvable, ouais. Snob, flatteur, tous les défauts d'un mondain. Et ensuite, quand elle a lu du côté de chez Swann, dès 1914, dès la parution, elle a été enthousiaste. Et alors, dans les dernières années de la vie de Proust, 1919-1922, après la publication d'un nombre des jeunes filles en fleurs, ils sont les deux grands écrivains français. Et alors là, on voit leur complicité. Et c'est, bon, elle parle des années après la mort de Proust. En 49, oui. Mais ils se sont rencontrés, ils se sont appréciés. Proust fait l'éloge de Mitsou, elle fait l'éloge d'un nombre des jeunes filles en fleurs. Ils jouent ensemble. Bon, ils sont exactement de la même génération. Il est né en 1871, elle en 1873. Bon, il faut penser que c'est l'une des grandes générations d'écrivains. Gide, Claudel, Valérie, Peggy, ils sont tous nés en 5 ans, tous ces écrivains. Mais à la fin de la vie de Proust, 1919-1922, les deux plus populaires, les deux plus consacrés, ce sont Proust et Colette. Et elle lui restera fidèle. Elle écrit un très bel article d'hommage en 1926. Elle a trouvé chez lui... Enfin, il y a une grande proximité entre les deux dans le rapport à la mémoire, le rapport à la sensation, à la matière, au passé, la méfiance de l'intelligence, on pourrait dire aussi. Alors, Colette, elle n'est pas bachelière et Proust, il est aussi savant qu'un agrégé, mais il y a véritablement une rencontre qui s'est faite et des éloges mutuels. Et bah, je crois qu'il reste aujourd'hui deux très grands écrivains. Moi, j'aime beaucoup les deux. Oui, j'allais vous demander, est-ce que vous connaissez bien les deux ? Votre cœur va de préférence vers l'un plus que vers l'autre ou... Écoutez, lorsque l'an dernier j'ai fait ces émissions sur Colette, ça a été pour moi un très grand plaisir. C'était un été avec Colette sur France Inter. Ça m'a donné beaucoup de plaisir de travailler, parce que je sais que c'est un écrivain Bon, j'ai enseigné Colette, je l'ai toujours lu, mais je n'avais jamais vraiment... j'ai eu à relire les 4 volumes de la Pléiade. Il y a 4 volumes de la Pléiade de Colette, comme il y a 4 ou 5 volumes de la Pléiade de Proust. Ce sont des œuvres amples. Et écoutez, j'aime aussi Céline. J'attends avec impatience les inédites Céline qui paraîtront l'année prochaine. Ouais. J'aime Colette, j'aime Céline, j'aime Proust. Pour moi... Parce qu'on a toujours l'idée que Proust est indépassable, que Proust est au sommet de la pyramide des écrivains français. Il faut tout de même... Bon, ce qui est inquiétant avec Proust, c'est qu'il exerce une sorte de monopole. En ce moment, moi, j'ai toujours un peu... résister à l'enseignement de Proust. C'est-à-dire que dans ma carrière de professeur, pendant 47 ans, j'ai plutôt évité d'enseigner Proust. Pourquoi ça ? En pensant qu'il fallait montrer aux étudiants le reste de la littérature française. Et donc, j'ai enseigné Le partage de midi de Claudel, Monsieur Test de Valéry, pour que les étudiants on est forcément exposé à Proust aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'il fasse de l'ombre à tout le reste de la littérature française. C'est un peu la même chose avec Baudelaire et la poésie. J'ai travaillé sur Baudelaire, je suis un passionné de Baudelaire, mais j'ai plutôt évité d'enseigner Baudelaire pour exposer les étudiants au reste de la littérature et pour m'exposer moi-même au reste de la littérature. Je ne veux pas être enfermé dans Baudelaire comme je ne veux pas être enfermé dans Proust. Mais si les professeurs décident de ne plus enseigner Proust, alors il ne sera plus enseigné. Les professeurs, il y en a d'autres qui enseignent Proust. Moi, je ne veux pas qu'il exerce un monopole. Oui. Et il y a un certain nombre d'années, quand j'avais fait un article dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, je pensais que Proust était arrivé à son zénith. Et ça, c'était il y a 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus, et je me trompais. Et ça continue. Je me trompais, puisqu'on assiste en 2021-2022 à une sorte d'apothéose de Proust. Et vous l'expliquez comment, ça ? Eh bien, comment l'expliquer ? 100 ans plus tard, qu'il connaisse un tel succès. Alors, en effet, pour moi, c'est mon troisième centenaire. J'ai assisté au centenaire de 1971, le centenaire de la naissance de Proust. Donc, j'avais 20 ans, 21 ans, et c'était un grand centenaire. C'est la publication de Jean Santeuil et du Contre-Sainte-Beuve dans la Pléiade. C'est le début de la publication de la correspondance de Kolb. C'est donc une grande date. Puis, j'ai assisté au centenaire de 2013, le centenaire du côté de chez Swann, qui a été finalement moins célébré, et puis celui-ci, et à chaque moment, c'est un nouvel intérêt pour Proust. Moi, je suis assez fasciné en cette année par la qualité et la nouveauté des publications et des travaux. Les 3 expositions du musée Carnavalet, du musée d'art et d'histoire du judaïsme et de la Bibliothèque nationale qui vont se succéder, prendre le relais l'une de l'autre, qui sont complètement différentes, toutes les 3, et qui montrent des aspects nouveaux. Il y a moyen de produire de la nouveauté sur Proust. Donc, je suis plutôt heureux cette année de constater ce qui est en train de se produire. Escalier pour aller au bain, au réservoir douce, fleurs blanches du tapis répondant aux douces fleurs blanches du mur. Escalier, muette, attente, on parle plus bas. L'odeur de la maison suinte, cinéraire en arrivant. Nous croyons le passé médiocre parce que nous le pensons. Mais le passé, ce n'est pas cela. C'est telle inégalité des dalles du baptistère de Saint-Marc. Photographie du repos de Saint-Marc à laquelle nous n'avions plus pensé, nous rendant le soleil aveugle sur le canal. Peut-être dois-je bénir ma mauvaise santé, qui m'a appris par la lenteur, la fatigue, l'immobilité, le silence, la possibilité de travailler. Les avertissements de mort. Bientôt, tu ne pourras plus dire tout cela. La paresse, ou le doute, ou l'impuissance, se réfugiant dans l'incertitude sur la forme d'art. Faut-il en faire un roman ? Une étude philosophique ? Suis-je un romancier ? Ce qui me console, Gérard de Nerval. Tiens ferme ta couronne, je sens que j'ai dans l'esprit comme lac de Genève, invisible la nuit. J'ai là quatre visages de jeunes filles, deux clochers, une filière noble, en l'hortensia normand, un allant plus loin, dont je ne sais ce que je ferai, devenus parfois des fétiches dont je ne sais plus le sens. Je fixe devant moi quatre têtes de jeunes filles et ne vois plus la réalité qui est uniformément à l'instant oubliée. Mais je sens qu'un rien peut briser ce cerveau. Il est très émouvant, Antoine Compagnon, lorsqu'on ouvre les carnets de Marcel Proust, de tomber sur ce genre de phrase. Alors effectivement, on a l'impression que ça va un peu dans tous les sens, et c'est le cas. Mais on retire quelque chose de ce qui a précédé la rédaction de La Recherche du Temps Perdu. Il y aurait beaucoup de choses à commenter, notamment cette idée qu'il dit, voilà, il y a quatre visages de jeunes filles que j'ai en tête, deux clochers, je ne sais pas trop quoi en faire, alors que ce sera le cœur de La Recherche du Temps Perdu. Et il y a cette phrase, je vous propose qu'on la relève dès à présent, parce que c'est aussi le sujet de l'émission. Faut-il en faire un roman ou une étude philosophique? Suis-je un romancier? Est-ce que ça veut dire que Marcel Proust aurait pu n'écrire qu'un essai? Alors bon, c'est une notation tout à fait capitale, hein, qui est au début de ce carnet de... C'est écrit à la fin de 1908. Proust a rédigé ce qu'on appelle ses 75 feuillets, qui ont été publiés l'année dernière, qui est une première ébauche d'un certain nombre d'épisodes qu'on retrouvera dans À la recherche du temps perdu. Et puis il s'est arrêté. Il est en panne quand il écrit cette page. Hein. C'est une page de panne. Et il a un certain nombre d'éléments que vous avez énumérés, des scènes que l'on retrouvera dans le roman, mais ce qui lui manque à ce moment-là, c'est, j'ai envie de dire, c'est la théorie, c'est le principe, c'est l'idée directrice, c'est la pensée. Il lui manque la pensée qui permettra de composer, d'organiser cette matière, de donner forme à ces éléments. Et c'est pour ça qu'il s'arrête. Et c'est le moment où il plongera dans la lecture de Sainte-Beuve, aussitôt après. Donc, lire Sainte-Beuve, ça sera un détour qui permettra de donner le cadre de pensée, qui permettra de retourner à la recherche du temps perdu et de se mettre véritablement à l'écrire quelques mois plus tard. Alors moi, cette page me touche beaucoup parce que on voit l'incertitude, et c'est une page angoissée, c'est une page d'un homme qui a déjà près de 40 ans, qui est un célibataire de l'art, suivant l'expression qu'il emploie pour caractériser les esthètes impuissants, qui sait qu'il a en lui de quoi faire une œuvre, mais il ne sait pas exactement ce que ça sera. Il doute d'être romancier, et vous remarquez que le terme qu'il oppose, c'est étude philosophique. C'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il sera philosophe? Non, pas du tout. Moi, j'insiste plutôt sur le mot étude. Proust qualifiait d'étude toutes ces proses poétiques qui sont réunies dans Les plaisirs et les jours. Ce sont pour lui des études, et c'est évidemment un terme proche de la musique et de la peinture. Donc ça nous renvoie à Debussy ou à l'impressionnisme. Ce sont eux qui font des études. Ce sont les poètes. Alors, études philosophiques, pour moi, c'est très proche de... Ça nous désigne un Proust essayiste. C'est le Proust qui fait des tâtonnements, des échantillons. C'est un Proust aussi qui est assez proche de Montaigne. Montaigne est-il philosophe? Non, Montaigne n'est pas philosophe. Ah bon? Ou alors il est philosophe comme Proust. Hein. Il est l'auteur d'essais, il est un essayiste. Et vous savez, dans la tradition française, il y a peu de vrais philosophes. La plupart sont, comme Montaigne, des essayistes. Rousseau est-il philosophe? Je ne sais pas. C'est un essayiste également. Sartre même est-il philosophe? Qui sont les vrais philosophes français alors, à part Descartes? Peut-être qu'il y a Descartes, oui, mais... Dans la tradition, il y a peu de philosophes français comme on parle des philosophes allemands. Alors, qu'est-ce qui distingue un philosophe d'un essayiste? Alors, qu'est-ce qui distingue un philosophe d'un essayiste? C'est justement qu'ils font les uns les autres des études plutôt que des traités. Et bon, je pense à Taine qui a beaucoup marqué Hippolyte Proust. Taine. Hippolyte Taine, tout est marqué par des essais. Et Taine insistait beaucoup, justement. Il y a une page de Taine qui est capitale et sur laquelle Proust insiste beaucoup, qui est la méthode de l'essayiste. Et Taine nous dit que l'essayiste, il travaille en marchant, en flânant. Il y a quelque chose du flâneur chez l'essayiste. C'est un flâneur de la pensée. C'est pas quelqu'un qui travaille méthodiquement à son bureau toute la journée. Proust est dans son lit, Taine flâne, et il y a une grande idée de ce qu'on appelle aujourd'hui, suivant un terme qui est à la mode, la sérendipité du flâneur et de l'essayiste. C'est-à-dire le fait de découvrir quelque chose par hasard. Écoutez, c'est plus la faculté de reconnaître le hasard. C'est une sorte de reconnaissance, la sérendipité. C'est une sorte de grâce. Hein. C'est comme Pascal qui dit tu ne me trouves, je ne te. Quelle est la phrase de Pascal ? Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Trouvé, ouais. Hein. Et c'est ça la sérendipité. Il faut cette grâce parce qu'on a déjà d'une façon trouver quelque chose. Ah oui, pour vous, c'est une forme de réminiscence, presque, la sérendipité. Absolument. Ah oui. Absolument. La sérendipité, il faut savoir saisir la chance. C'est ça, la sérendipité. Il faut savoir saisir le hasard. Et Proust l'a trouvé chez Taine, cette méthode. Et bon, pour moi, c'est ça qui oppose l'essayiste au véritable philosophe. Alors, le roman de Proust, ce n'est pas un roman philosophique. Mais c'est un roman de pensée. Alors voilà, vous dites, à propos de cette question que Proust écrit et soulève dans son carnet, faut-il en faire un roman ou une étude philosophique ? Vous dites, ce qui lui manque à ce moment-là, dans ce texte de Panne, disiez-vous, oui. C'est la pensée, c'est la théorie. Ça oui. veut dire que Proust va faire un roman, mais qui est empreint d'une certaine théorie. Oui, une théorie très simple. Très simple. Elle est minimale. C'est la théorie de la mémoire involontaire. Bon, c'est un truc. Tout le monde a connu ça. Mais au moment où Proust est en panne, il lui manque ce cadre-là. Il y en a une petite bribe qu'on trouve dans un manuscrit un peu auparavant. Mais ensuite, il se lance dans le Contre-Sainte-Beuve. Et lorsqu'il sort du Contre-Sainte-Beuve quelques mois plus tard, après ce dernier, comme je disais, détour ou essai, eh bien, il a trouvé le truc qui lui permettra de construire son roman. C'est-à-dire, Proust dit souvent, j'ai écrit la fin en même temps que le début. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ah bon ? C'est une exagération. Mmh. Puisqu'il avait, à l'époque, il imaginait une autre fin. Il imaginait cette fin qui aurait été une conversation avec sa mère sur la méthode de Sainte-Beuve. Et puis la fin que nous connaissons, elle est écrite un peu plus tard, c'est l'adoration perpétuelle et le bal de Tetz. C'est le temps retrouvé, donc c'est l'accumulation des épisodes de mémoire involontaire à l'arrivée à la matinée à l'hôtel de Guermantes, et puis le bal de Tetz où il voit tous les personnages vieillis et où on a cette conception du temps, cette pensée du temps. Donc c'est finalement assez simple, mais ça permet de développer tout un roman entre... Moi, je compare un peu ce dispositif aux deux piles d'un immense pont. Mm-hmm. Il y a la Madeleine, après 30 pages dans Combré, et puis il y a les pavés, qui sont déjà donc présents dans le passage que vous avez lu, ouais. Le bruit de la cuillère et le toucher de la serviette dans Le Temps Retrouvé, 3000 pages plus loin, ou presque. Donc ce sont comme les deux piles, mais entre les deux, il y a un immense pont qui se développe et qui ne cesse de se gonfler. Mais alors pourquoi un roman ? Pourquoi n'a-t-il pas gardé la forme de l'essai pour, si la théorie, si la pensée qu'il veut délivrer est celle de la mémoire involontaire, pourquoi en faire un roman ? Alors, est-ce un roman ? Ah d'ailleurs, voilà, bah, c'est la question. Est-ce un roman c'est Roland Barthes qui parlait de tierce forme. Bon, les romans modernes excèdent la définition classique du roman. Et dans la préface du volume de la Pléiade intitulé Essai, je cite Schopenhauer, qui disait de Wilhelm Meister de Goethe que c'était un roman intellectuel. Et au fond, les romans modernes sont tous des romans intellectuels. Si l'on pense à Thomas Mann, si l'on pense à Joyce, si l'on pense à Musil, et Proust appartient à cette catégorie des romans modernes qui excède le cadre du roman balzacien, du roman de Zola, qui sont des romans de pensée. Il y a une pensée qui s'y développe du début jusqu'à la fin, une pensée qui n'est pas figée. C'est pourquoi le roman de Proust, on ne peut pas l'arrêter à ce cadre théorique qu'il a défini en 1909 et qui lui permet d'écrire. Pour moi, c'est un dispositif qui lui permet de se lancer. Il n'arrive pas à se lancer avant d'avoir ce dispositif. Mais le roman excède de beaucoup ce dispositif initial. Alors je dis c'est un roman intellectuel. Alors évidemment, c'est un peu paradoxal puisqu'il y a un procès de l'intelligence. Proust valorise l'intuition contre l'intelligence. Comme Bergson. Comme Bergson fait un procès de l'intelligence dans les notes du Contre Sainte-Beuve. L'intelligence, pour lui, c'est la mémoire volontaire. Et puis l'intuition, elle nous rapporte quelque chose comme la mémoire involontaire qui est beaucoup plus importante puisqu'elle nous fait accéder au moi profond. Mais on ne peut pas ne pas soutenir que c'est un roman intelligent, que Proust a l'intelligence des choses et qu'il n'y a pas plus intelligent que Proust. Donc je défends l'idée d'un roman de pensée ou d'un roman intellectuel. Il mourut dans les circonstances suivantes. Une crise du rémis assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique ayant écrit que dans la vue de Delft, de Vermeer, prêté par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune, qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même, Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de mur. « C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. » Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second. « Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. » Il se répétait « Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune. » Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu. Et, revenant à l'optimisme, se dit « Oh, c'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites, ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre, où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Thank you. Scott était mort. Mort à jamais. Qui peut le dire? Certes, les expériences spirites, pas plus que les dogmes religieux, n'apportent de preuve que l'âme subsiste. Ce qu'on peut dire, c'est que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions avec le fait d'obligations contractées dans une vie antérieure. Il n'y a aucune raison dans nos conditions de vie sur cette terre pour que nous nous croyions obligés à faire le bien, à être délicats, même à être polis, ni pour l'artiste athée à ce qu'il se croit obligé de recommencer 20 fois un morceau dont l'admiration qu'il excitera importera peu à son corps mangé par les vers, comme le pan de mur jaune que peignit avec tant de science et de raffinement un artiste à jamais inconnu, à peine identifié sous le nom de Vermeer. Toutes ces obligations qui n'ont pas leur sanction dans la vie présente semblent appartenir à un monde différent, fondé sur la bonté, le scrupule, le sacrifice, un monde entièrement différent de celui-ci et dont nous sortons pour naître à cette terre avant peut-être d'y retourner, revivre sous l'empire de ces lois inconnues auxquelles nous avons obéi parce que nous emportions l'enseignement en nous sans savoir qui les y avait tracées, ces lois dont tout travail profond de l'intelligence nous rapproche et qui sont invisibles seulement, et encore, pour les sots. De sorte que l'idée que Bergotte n'était pas mort à jamais est sans invraisemblance. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. 5 minutes de lecture de Proust. Vous êtes bien sur France Culture, Les chemins de la philosophie. Donc nous parlons de Proust, Proust et les philosophes, Proust et la philosophie cette semaine. Aujourd'hui, dernier temps, en compagnie d'Antoine Compagnon, nous venons d'entendre le récit de la mort de Bergotte. On y entend, y compris pour un auditeur qui n'aurait jamais ouvert La recherche de temps perdu, on y entend la manière qu'a Proust de relier la description de la mort avec une véritable pensée, une réflexion, voire une thèse quant à notre rapport à la mort. Pour bien comprendre ce texte, Antoine Compagnon, peut-être présentez-nous qui est Bergotte. Bon, c'est l'une des pages les plus graves de tout le roman de Proust. Bergotte est donc l'écrivain imaginaire dont le héros, dans sa jeunesse, dans son adolescence, dans Combré, est tombé dans la plus grande admiration. C'est son phare au début de la recherche. Et puis Bergotte, est, comme on l'a entendu dans cette page, est un auteur fini, qui n'a plus produit, qui n'écrit plus et qui même ne lit plus au moment de sa maladie et de sa mort. Et bon, aussi, c'est une page dont l'inspiration est tout à fait autobiographique, puisque elle n'a été ajoutée au manuscrit, puisque c'est dans La Prisonnière que Bergotte meurt, elle n'est ajoutée qu'après la visite que Proust a faite lui-même à une exposition de peinture hollandaise au musée du Jeu de Paume en mai 1921. Et c'est au retour de cette visite où il a lui-même éprouvé ses étourdissements qu'il a rédigé dans un cahier d'addition la mort de Bergotte. Et c'est donc un an et demi avant la mort de Proust, l'état dans lequel il se trouvait. C'est ce qu'il décrit, c'est lui-même. Et ce qui est aussi le plus touchant, c'est que dans la dernière nuit de sa vie, en novembre 1922, Proust a écrit sur des bouts de papier des additions pour cette page. Il est mort en éprouvant des sensations qu'il voulait introduire dans cette page. C'est donc une page qui est capitale pour lui. Il a vu venir sa mort et il a enrichi son roman de ce qu'il éprouvait en voyant approcher la mort. Et ça nous montre aussi l'extrême imbrication de la vie et de l'œuvre dans le roman de Proust. C'est très souvent l'œuvre qui précède la vie, plutôt que la vie qui précède l'œuvre. Et c'est ainsi que la vie peut s'inscrire dans le roman, parce qu'elle a déjà sa place. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la grâce ou la sérendipité. Lorsqu'on est en train d'écrire un roman, on vit des moments qui sont immédiatement inscrits dans l'œuvre. Et ça arrive dans le moment. C'est pour ça que c'est un peu tuant d'écrire un roman. Dans la période où Proust s'est lancé dans son roman, 1908-1909, jusqu'à sa mort en 1922, il y a une profonde confusion entre la vie et l'œuvre, et les expériences de la vie sont, on pourrait dire, à la limite recherchées parce qu'elles ont déjà leur place dans l'œuvre. Alors, cette impression que Bergotte ressent devant la vue de Delphes, pour Proust, c'était le plus beau tableau du monde. On ne peut pas oublier non plus qu'il l'avait vu lors d'une visite au musée de La Haye, le Moritz Reuss, avec son ami, sa passion, Bertrand de Fénelon, quelques années plus tôt. Donc c'était un tableau qui était très, là aussi, très important pour lui, puisqu'il était lié à une passion amoureuse de sa jeunesse. Il a voulu sortir pour le revoir en 1921, ce plus beau tableau du monde, et devant ce petit pan de mur jaune, qui est un détail du tableau, sur la droite du tableau, Bergotte éprouve, au fond, l'insuffisance de toute son œuvre. Et il meurt en découvrant comment il aurait pu faire une œuvre de génie. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, voilà, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse comme ce petit pan de mur jaune. L'épaisseur de ce petit pan de mur jaune. C'est une méthode esthétique ici qui lui apparaît. C'est une méthode. Alors, est-ce que Proust a le sentiment d'échec devant le petit pan de mur jaune en 1921? Je dirais que non. Proust, à ce moment-là, a triomphé, et il le sait. Proust sait que son œuvre est une œuvre majeure. Ah oui ? En mai 1921, il n'en doute plus. Parce que les premiers volumes ont été bien accueillis ou... Écoutez, là, mon point de vue sur ça, c'est que Proust s'est rendu compte que son œuvre était importante en 1913, lorsqu'il a lu Les épreuves du côté de chez Swann. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience qu'il avait réussi son œuvre. Et pour moi, la preuve de cela, c'est justement les pages qu'il ajoute sur Bergotte dans Les épreuves de Combray au printemps de 1913. Il relit Les épreuves de Combray et il y a d'immenses additions sur Bergotte comme grand écrivain. Et qu'est-ce que c'est qu'un grand écrivain? Et au fond, je pense que tout le monde, qu'on soit un piètre écrivain ou un grand écrivain, a eu le même choc devant des épreuves, lorsque l'on se voit imprimé, prêt à être rendu public. C'est une épreuve, hein, la correction d'épreuves, tout le monde le sait, c'est une épreuve... Elle porte bien son nom. C'est une épreuve capitale. Et je pense qu'on a, dans la correction des épreuves... Bon, les épreuves de Combray sont magnifiques. Elles sont à la Fondation Bodmer, à Genève. On les montrera à l'exposition de la Bibliothèque nationale. C'est un objet d'art, les épreuves de Combray. Et pour moi, c'est en les corrigeant que Proust, oui, a pris conscience, au fond, qu'il avait fait son petit pan de mur jaune. Et donc, il n'y a pas d'identification au Bergotte qui constate son échec. Au contraire, Proust a trouvé son petit pan de mur jaune. Alors, il y a aussi toute cette réflexion sur la mort. Oui, mort à jamais, qui peut le dire? Mort à jamais. Et la thèse qui est développée là, pour moi aussi, elle est très importante. C'est l'idée que on ne peut pas, enfin Proust l'écrit explicitement dans cette page qui suit, on ne peut pas faire une œuvre d'art si on n'a pas ce qu'il appelle ailleurs une foi implicite. Il parle de foi implicite qui pour moi est un peu la suspension volontaire d'incrédulité. C'était Coleridge qui parlait de la willing suspension of disbelief pour définir la fiction. Mais moi, je parle de willing suspension of disbelief pour faire œuvre d'art. Et c'est ce que dit Proust ici. On ne ferait pas une œuvre d'art si on n'était pas capable, momentanément, de suspendre son incrédulité et de penser qu'on écrit pour Et alors Proust est très prudent dans cette page, puisqu'il dit qu'on écrit au nom des principes qui viennent d'une vie antérieure. Il parie plutôt sur une vie antérieure que sur une vie ultérieure, vous l'avez vu. Mmh. Il dit, on vit avec des principes dont on ne sait pas d'où ils viennent. Si on n'avait pas ces principes, eh bien, ce serait, au fond, la procrastination, la paresse et l'oisiveté. Qu'est-ce qui fait que Proust se demande ici, qu'est-ce qui fait qu'on se tue à écrire un roman? C'est ce qu'il a fait. Il s'est tué à écrire un roman. Il est mort prématurément. Il est mort bêtement. Il ne s'est pas soigné dans les derniers temps de sa vie. Il s'est tué pour faire un chef-d'œuvre. Et dans cette page, il nous dit, eh bien, on ne se tuerait pas pour faire un chef-d'œuvre si l'on n'avait pas des principes qui viennent d'une autre vie, vie antérieure, vie peut-être ultérieure. Tout ça est posé avec un point d'interrogation, mais c'est l'idée que, sans cette foi implicite, eh bien, on ne ferait pas, comme il dit, le bien, ou on ne ferait pas œuvre d'art. Ça veut dire que pour écrire, il faut avoir une sorte de foi, gardons le terme, mais une foi particulière, qui est une foi en une forme d'immortalité. Absolument. Il faut croire que la mort n'est pas la fin de toute chose pour avoir désir, l'élan même qui nous conduit à écrire. Proust parle ailleurs de foi implicite. Je vous lis le passage. Le poète qui donne sa vie à une œuvre, qui ne recueillera de suffrage qu'après sa mort, obéit-il vraiment au désir d'une gloire qu'il ne connaîtra pas? N'est-ce pas plutôt une part éternelle de lui-même qui travaille que pendant que lui est laissé, et même si elle ne peut travailler que dans cette habitation éphémère, une œuvre éternelle aussi? Et s'il y a contradiction entre ce que nous savons de la physiologie et la doctrine de l'immortalité de l'âme, n'y a-t-il pas contradiction aussi entre certains de nos instincts et la doctrine de la mortalité complète? C'est toujours sous la forme interrogative, mais c'est comme la nécessité de poser cette foi implicite. Et ça rejoint une thèse de Proust que l'on trouve ailleurs, qui est, au fond, qu'il n'y a qu'un seul écrivain depuis les origines du monde. Que chaque écrivain est la réincarnation de l'écrivain éternel. Ce qui est éternel, c'est la littérature. Et Proust le dit à la fin de sa vie, devant une photographie de Baudelaire, devant la dernière photographie de Baudelaire, il dit, c'est Homère, c'est le poète éternel. Et ça rejoint cette idée, vous voyez, de foi implicite sans laquelle on ne se livrerait pas à la littérature. Parce que la littérature, c'est grave. Mais alors, ouais, mais est-ce que ça veut dire que cette foi lui vient tardivement? Puisqu'on l'a dit depuis le début de l'émission, il hésite au début, il ne sait pas quelle forme donner, il ne sait pas comment écrire. Est-ce que ça veut dire, ça veut dire que ce n'est pas forcément une vocation, que c'est quelque chose qu'il découvre en écrivant, que l'œuvre le dépasse absolument? Je crois que cette foi, elle est assez ancienne chez Proust. Je ne sais pas si dans les différentes émissions, vous avez parlé d'auteurs qui l'ont beaucoup influencé dans la jeunesse, comme Emerson. Proust est un grand lecteur d'Emerson dans ses années de lycée. Ralph Waldo Emerson. Les hommes représentatifs, The Conduct of Life, la conduite de la vie. Et ce sont donc des transcendantalistes américains qui l'ont beaucoup marqué. Qu'est-ce qui peut l'avoir aussi marqué dans ce sentiment de l'immortalité? C'est Maeterlinck. Maeterlinck, qu'il a beaucoup lu également dans sa jeunesse. Dans Les plaisirs et les jours, il y a beaucoup d'épigrammes qui viennent d'Emerson. Dans la dernière nuit de sa vie, que je viens de citer pour la mort de Bergotte, Proust écrit sur un dos d'enveloppe une phrase d'Emerson, cette phrase capitale sur l'incroyable frivolité des mourants. Et elle est dans la page la mort de Bergotte où les médecins, au dernier moment, leur conseillent de boire du champagne. Oui, et puis lui, il se dit aussi que c'est les pommes de terre pas assez cuites. Voilà, les pommes de terre. Rencontre entre l'ordinaire, le trivial et la mort. Le trivial et la mort, c'est les pommes de terre. Et ça, il le tient d'Emerson. Et oui, ça vient d'Emerson, mais ça fait très longtemps qu'il a lu ça chez Emerson. Or, c'est une phrase, cette phrase sur l'incroyable frivolité des mourants, qui a marqué Proust, elle revient périodiquement dans sa correspondance, c'est, là aussi c'est une phrase un peu problématique pour nous, parce qu'on ne sait pas où Proust l'a lu. Le Conduct of Life n'était pas encore traduit quand Proust le cite dans sa correspondance. Alors, bon, Proust était un avide lecteur de la presse, des revues, donc il a pu tomber sur cette phrase un peu n'importe où, mais c'est une phrase qui l'a marqué toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'incroyable frivolité? Eh bien, c'est Emerson qui était pasteur et qui dit dans ce Conduct of Life que dans son expérience d'avoir fréquenté des gens au bord de la mort, ce qui l'a souvent frappé, c'est cette frivolité, c'est-à-dire s'intéresser à des pommes de terre, s'intéresser à des choses très ordinaires et non pas à la vie et à la mort au dernier moment. C'est ça qu'Emerson décrit dans ce passage de The Conduct of Life. Ce sont des auteurs qui ont beaucoup marqué Proust. Hein, Emerson, Maeterlinck. Et alors, dans cette page de la mort de Bergotte, on a aussi Tolstoï. Hein, c'est le Tolstoï de la mort d'Ivan Illich. Comment Proust connaît-il les dernières pensées de Bergotte pour nous les rapporter dans cette page? Eh bien, comme Tolstoï connaît les dernières pensées d'Ivan Illich. Donc, il y a cette dimension-là de spiritualisme et de transcendantalisme qui l'a marqué dès sa jeunesse. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il souhaite soutenir une thèse à ce moment-là? Parce que c'est toute la question. Est-ce qu'il veut démontrer quelque chose? Est-ce qu'il postule quelque chose? Alors, vous le voyez, c'est sous forme très interrogative. Hein, ouais. Chaque fois qu'il le cite, mort à jamais, qui peut le dire? De sorte que l'idée que Bergotte n'était pas mort à jamais est sans invraisemblance. C'est beaucoup de nuances. C'est très, très prudent. Mmh. Et dans l'autre passage que je vous citais, c'est aussi interrogatif. C'est un leitmotiv plus qu'une thèse, je dirais. C'est un leitmotiv chez Proust qui est, au fond, l'idée qu'il ne se serait pas tué à écrire un livre s'il n'était pas soutenu par cette idée que la littérature lui subsistera. Oui. C'est ça. C'est la foi en la littérature, cette foi implicite. Mais finalement, l'idée elle-même est assez triviale. C'est l'idée de dire que la littérature nous hisse vers une forme d'éternité, conjure notre propre finitude. C'est une idée qui a déjà été beaucoup soutenue. C'est l'idée d'être au service de cette littérature qui vous survivra. Alors, on trouve aussi dans La recherche du temps perdu d'autres passages, alors moins grandioses et qui regardent moins directement la mort en face. Justement, d'ailleurs, il est quand même question de regard. Écoutez cet extrait, beaucoup moins connu, du côté de Guermantes. On va se trouver bien dans l'ombre d'un confessionnal. Un beau-frère de ma grand-mère, qui était religieux et que je ne connaissais pas, télégraphia en Autriche, où était le chef de son ordre, et ayant, par faveur exceptionnelle, obtenu l'autorisation, vint ce jour-là. Accablé de tristesse, il lisait à côté du lit des textes de prière et de méditation, sans cependant détacher ses yeux en vrille de la malade. À un moment où ma grand-mère était sans connaissance, la vue de la tristesse de ce prêtre me fit mal, et je le regardai. Il parut surpris de ma pitié, et il se produisit alors quelque chose de singulier. Il joignit ses mains sur sa figure comme un homme absorbé dans une méditation douloureuse, mais, comprenant que j'allais détourner de lui les yeux, je vis qu'il avait laissé un petit écart entre ses doigts. Et au moment où mes regards le quittaient, j'aperçus son œil aigu qui avait profité de cet abri de ses mains pour observer si ma douleur était sincère. Il était embusqué là, comme dans l'ombre d'un confessionnal. Il s'aperçut que je le voyais, et aussitôt clôtura hermétiquement le grillage qu'il avait laissé entr'ouvert. Je l'ai revu plus tard, et jamais entre nous il ne fut question de cette minute. Il fut tacitement convenu que je n'avais pas remarqué qu'il m'épiait. Chez le prêtre, comme chez l'aliéniste, il y a toujours quelque chose du juge d'instruction. Thank you. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et ce texte a été lu par Guillaume Gallienne. Il y a quelque chose de Madame Verdurin chez ce prêtre Antoine Compagnon dans l'affectation d'un geste. Madame Verdurin qui est décrite comme plongeant son visage entre ses deux mains et secouant ses épaules pour bien montrer le fait qu'elle est en train de rire. Ici, on a ce prêtre qui, presque à l'inverse, voudrait se cacher mais laisse un petit espace entre ses deux doigts, espace que voit immédiatement le narrateur. Et on a aussi également ici, dans le cœur de la recherche, dans le voyeurisme, dans l'espionnage, et dans une certaine idée de la justice qui est toujours un peu de biais, n'est-ce pas, Antoine Compagnon ? Moi, j'adore cette page. Hein. J'adore cette page parce qu'elle, pour moi, elle condense, comme vous l'avez dit, le voyeurisme, le grillage de ses doigts. Pour moi, c'est une page qui annonce Michel Foucault. Surveiller et punir. Hein. On a cette assimilation à la fin du passage qui vient d'être lu entre le prêtre, l'aliéniste et le juge d'instruction. Hein, oui. C'est la société de surveillance. Et puis, pour moi, dans cette page, il y a quelque chose de Dostoïevski, il y a quelque chose de Kafka, il y a quelque chose de l'inquiétude de Proust qui est constante devant la justice. Pour Proust, la justice, c'est la punition. C'est crime et châtiment. Mm. Proust. Avec beaucoup d'humour en plus, parce qu'on rit quand même en lisant cette page. Avec beaucoup d'humour. Ouais. On rit, en effet, mais il y a tout de même quelque chose de constant dans la recherche du temps perdu, qui est cette méfiance de la justice. De la justice, souvenez-vous, de la justice dès les premières pages de Combray, l'allégorie de la justice à Padoue, à l'Arena. Une justice dont le visage grisâtre et mesquinement régulier était celui-là même qui a Combray caractérisé certaines jolies bourgeoises, pieuses et sèches, que je voyais à la messe et dont plusieurs étaient enrôlées d'avance dans les milices de réserve de l'injustice. Mais la justice est forcément du côté de la religion ? La justice est-elle forcément du côté de la religion ? Moi, je pense que... D'une certaine façon, oui, parce que je pense que Proust est très proche de Baudelaire et de Joseph de Maistre dans sa conception de la justice. C'est-à-dire que on est toujours coupable. On est toujours coupable, et c'est ce qui est dit explicitement à propos d'Albertine disparue et à plusieurs moments, ou à propos des mères profanées. Si vous voulez, il n'y a jamais d'erreur judiciaire. C'est ce que dit Joseph de Metz, c'est ce que dit Baudelaire et c'est ce que dit Proust. Si on est condamné pour une faute qu'on n'a pas commise, de toute façon, il y en avait une autre qu'on avait commise. De toute façon, on est en faute. Et chez Proust, il y a cette conception du mal qui est toujours présente d'un bout à l'autre. Alors, je ne sais pas si elle peut être liée... Il n'est pas impossible qu'elle soit liée à l'homosexualité, ce sentiment, puisqu'il est lié au thème de la profanation de la mère. Hein. Mm-hmm. Toute jouissance du fils est une profanation de la mère. Hein. C'est ce que Proust soutient dans la recherche du temps perdu. Et dans cette mesure, le fils est toujours coupable. Et c'est ça qui se répercute. La figure du juge d'instruction parcourt toute la recherche du temps perdu. On a là la comparaison au juge d'instruction, mais elle figure souvent dans la recherche du temps perdu. Et le juge d'instruction, c'est quelqu'un qui enquête toujours à charge, jamais à décharge. Et Proust ne croit pas à la justice des hommes. Je ne sais pas s'il croit à la justice divine, mais il ne croit pas à la justice des hommes. Et vous voyez que dans ce passage, c'est associé au confessionnal. Et c'est effectivement intéressant, puisque ça nous touche, ça nous évoque aussi les relations de Proust à son éducation catholique. Hein. Demi-juif, mais d'éducation catholique. Ça veut dire que ici, c'est, là encore, c'est moins une thèse qu'il veut exposer que quelque chose qui le caractérise et qui est forcément présent dans son texte, dans celui qu'il écrit. Qui est présent d'un bout à l'autre. Ouais. Je vous ai cité cette phrase sur la justice, l'allégorie d'Encombré, et c'est présent jusqu'au bout, hein, cette hypocrisie de la justice. Hein. Il y a le mot hypocrisie dans cette phrase, si mes souvenirs sont bons. Il est soupçonné d'hypocrisie. Alors, il faut ajouter que le narrateur est coupable. Il est coupable, puisqu'il n'éprouvera pas de chagrin à la mort de sa grand-mère, comme on le sait. Le chagrin est retardé 200 pages plus loin dans les intermittences du cœur. Donc le prêtre a bien vu que cet adolescent n'était pas triste de la mort de sa grand-mère. C'est l'un des grands moments de la recherche, il s'attriste beaucoup plus tard. Ouais. C'est le deuil retardé de sa grand-mère. Merci beaucoup Antoine Compagnon, on pourrait continuer encore des heures et on avait encore beaucoup de textes à écouter et à commenter, mais cette émission touche à sa fin. Merci infiniment d'être venu ce matin nous parler de la recherche du temps perdu. Je renvoie au livre que vous avez publié le mois dernier chez Gallimard, Proust du côté juif. Je rappelle aussi, enfin j'annonce que vous êtes le conseiller scientifique de l'exposition Marcel Proust du côté de la mer, qui explore la judéité de Proust et débute le 14 avril au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Vous êtes aussi commissaire d'une autre exposition à la Bibliothèque nationale, qui aura lieu, qui commence dans quelques semaines, je crois. À la Bibliothèque nationale, non, c'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Les trois expositions, Carnavalet, Mage, BNF, se succèdent. Bon, eh bien, donc, vous avez du pain sur la planche en ce qui concerne Proust et ses expositions. Merci infiniment. On se quitte avec un texte de Proust suivi de la fin de l'opéra de Tristan et Iseut de Wagner. Wagner, qui, Nicolas Berger a fait le calcul, est le musicien le plus cité dans la recherche du temps perdu. Une mesure de la sonate me frappa, mesure que je connaissais bien pourtant. Mais parfois l'attention éclaire différemment des choses connues pourtant depuis longtemps et où nous remarquons ce que nous n'y avions jamais vu. En jouant cette mesure, et bien que Vinteuil fût là en train d'exprimer un rêve qui fût resté tout à fait étranger à Wagner, je ne pus m'empêcher de murmurer, Tristan. Avec le sourire qu'elle a mis d'une famille retrouvant quelque chose de l'aïeul dans une intonation, un geste du petit-fils qui ne l'a pas connu. Et comme on regarde alors une photographie qui permet de préciser la ressemblance, par-dessus la sonate de Vinteuil, j'installais sur le pupitre la partition de Tristan, dont on donnait justement cet après-midi-là des fragments au concert l'amoureux. Je me rendais compte de tout ce qu'a de réel l'œuvre de Wagner, en revoyant ces thèmes insistants et fugaces qui visitent un acte, ne s'éloignent que pour revenir, et parfois lointains, assoupis, presque détachés, sont à d'autres moments, tout en restant vagues, si pressants et si proches, si internes, si organiques, si viscéraux, qu'on dirait la reprise moins d'un motif que d'une névralgie. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la chronique quotidienne de philosophie de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-on toujours besoin des moralistes ? Le terme moraliste a une drôle d'histoire dans la culture littéraire et dans la culture tout court, notamment en France, puisque c'est un terme qui est né en France. Quand on entend le mot moraliste, on pense parfois à quelqu'un qui fait des sermons, à un moralisateur, à quelqu'un qui prêche la morale en pensant qu'il la détient d'abord et que les autres pourront l'appliquer grâce à ses discours, que la morale serait un effet de discours et qu'avec les mots, on deviendra un être moral. Eh bien, le moraliste dans sa tradition française, car il y a là quelque chose qui s'est construit au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais qui peut s'exporter ailleurs, on va le voir dans un instant, évidemment, et c'est un genre devenu universel. Le moraliste, donc, c'est tout le contraire. Le moraliste, depuis Montaigne, disons, jusqu'à Vauvenargues, à la fin du XVIIIe siècle, en passant par La Bruyère, La Rochefoucauld, et bien sûr aussi Pascal, et même par moments Jean-Jacques Rousseau, le moraliste, tout au contraire, c'est quelqu'un qui considère que l'être humain est plutôt immoral que moral, qu'il y a en lui des défauts, des vices qui sont ancrés, alors selon les uns à cause d'une nature déficiente, difficile à moraliser, ou selon les autres à cause du péché originel. Il y a des moralistes chrétiens, Pascal est sans doute le plus radical et le plus profond d'entre eux. L'homme est naturellement immoral à cause du péché originel. Le moraliste, c'est donc celui qui détecte les défauts de l'humain et qui les exprime non pas dans des grands discours, mais dans des formules qu'on appelle des maximes, des formules perçantes qui vont nous mener chaque lecteur à se découvrir lui-même, qui vont percer ce voile d'amour propre. C'est le principe de La Rochefoucauld qui nous empêche de voir nos propres défauts. Et de Montaigne jusqu'à Vauvenargues, le moraliste, c'est donc un esprit critique. Ce qui caractérise le moraliste, c'est son ironie féroce, c'est parfois sa méchanceté, c'est aussi son art de la formule qu'on peut emporter avec soi, mais non pas comme un art de vivre, non pas comme une sagesse positive, mais plutôt comme un art de résister à la pente qui fait que nous nous considérerions naturellement comme des êtres moraux. On pourrait citer 10 000 formules, 10 000 maximes, mais lisez les caractères de La Bruyère, lisez les maximes de La Rochefoucauld, lisez les réflexions et maximes aussi de Vauvenargues, peut-être le plus brillant d'entre tous, aussi jeune soit-il mort. Vauvenargues, citons au hasard cette maxime, il est difficile d'estimer quelqu'un comme il veut l'être. Autrement dit, notre amour-propre, c'est ce à quoi les moralistes s'attaquent avant tout. Notre amour-propre est si fort qu'aucun compliment n'est à son échelle. Il est difficile d'estimer quelqu'un comme il veut l'être. Je suis avide, insatiable de compliments. Et Vauvenargues le montre en une seule formule. Il y a un auteur qui a revendiqué les moralistes comme une source cachée, à tel point que une conférence récente l'a fait de lui un moraliste français, c'est Nietzsche. Nietzsche, oui, moraliste français, moraliste inattendu, car il est méchant, il est féroce, il vient détecter les passions tristes, les passions réactives, et il vient nous montrer qu'en nous, constamment, le rôle du moraliste est avant tout un rôle critique pour nous faire accéder à une conscience éthique de nous-mêmes. Nous avons donc toujours besoin des moralistes. Bien sûr, il y a cette époque que les moralistes ont marquée, quelque part entre la naissance de l'esprit critique moderne et la continuation de la morale chrétienne. Mais aujourd'hui, dans notre monde immoral, nous avons toujours besoin d'eux. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique « Le pourquoi du comment » est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Jules Barbier, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger. À la prise de son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi. À la lecture des textes cette semaine, Guillaume Gallienne. On se retrouve demain pour un cours particulier. Demain, on vous proposera de redécouvrir le cours particulier en compagnie de Delphine Horviller. D'ici là, vous pouvez réécouter cette série d'émissions autour de Proust et les philosophes en vous rendant sur le site de France Culture, en téléchargeant, podcastant l'émission sur la plateforme de votre choix. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.